nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Des histoires d'arbres, un arbre qui parle pour commencer, puis un planteur d'arbres qui lui n'est pas particulièrement bavard. Un arbre solitaire d'un côté, un homme solitaire qui aime les arbres de l'autre côté. Les histoires du pince-oreille, première diffusion sur France Culture, le 2 mai 1998. Les histoires du pince-oreille, la symphonie des arbres. Texte choisi par Catherine de la Clergerie. Réalisation Anne Lemaître. L'arbre généreux. Il était une fois un arbre qui aimait un petit garçon. Et le petit garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles et il s'en faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc et se balançait à ses branches et mangeait ses pommes. Et puis, il jouait à va te cacher. Quand il était fatigué, il dormait dans son ombre. Et le garçon aimait l'arbre énormément. Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa, et le garçon grandit, et l'arbre resta souvent seul. Puis, un jour, le garçon vint voir l'arbre, et l'arbre lui dit « Approche-toi, mon garçon. » Grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches et mange mes pommes et joue dans mon ombre et sois heureux. Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer. Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent ? Je regrette, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon. Et va les vendre en ville. Ainsi tu auras de l'argent et tu seras heureux. Alors le garçon grimpa dans l'arbre, cueillit les pommes et les emporta. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir. Et l'arbre devint triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre trembla de joie et dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches et sois heureux. » « J'ai trop à faire pour grimper aux arbres. Je veux une maison qui me tienne chaud. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison ?»« Je n'ai pas de maison. C'est la forêt, ma maison. Mais tu peux couper mes branches ?» Et bâtir une maison, alors tu seras heureux. Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire sa maison. Et l'arbre fut heureux. Le garçon resta longtemps sans revenir. Et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. « Approche-toi, mon garçon. Viens jouer. »« Je suis trop vieux et trop triste pour jouer. Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici. Peux-tu me donner un bateau ?»« Coupe mon tronc et fais un bateau. Ensuite, tu pourras t'en aller. » Et être heureux. Alors le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller.